chez toi, bébé. Le plus cool des couleurs, le béret sur la tête, le pétard sous le nez, et tu marches face au vent. Direction bistrot pour l'apéro. C'est toi, bébé, le plus cool des enculés. Et concocte tout, c'est toi, bébé.